chanter la grande France. C'est toujours faux pour être vrai, mais c'est jamais trop laid pour être faux. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Évidemment. Enrichissez votre culture musicale sur 21 Radio. Salut, c'est Lito de Chaume-les-Baigneux. Voici Musique et Légende. Adulés par des millions d'auditeurs, les Eagles ont incarné le country rock californien des années 70, ses harmonies vocales et une certaine façon de toujours prendre la vie du bon côté. Avec plus de 60 millions d'albums vendus, les auteurs de l'incroyable Hotel California sont parvenus à l'une des plus vastes réussites commerciales du rock. Ce groupe s'est tellement assimilé à la notion de confort d'écoute qu'il a cristallisé la haine de punk et de la new wave de la fin des années 70 qu'il accusait, non sans raison, de torpeur et d'indolence. Après 4 albums, The Eagles en 72, Desesperado en 73, On the Border en 74 et One of the Test Night en 75, en mars 76, les Eagles entrent en studio à Miami en Floride. Ils en ressortiront 9 mois plus tard avec ce qui va devenir la pièce maîtresse de leurs œuvres et accessoirement l'une des plus grosses ventes de l'histoire du rock avec 9 millions d'exemplaires vendus dans l'année suivante de sa sortie. Le fameux Hotel California. L'arrivée du guitariste Joe Walsh a définitivement mis un terme à ce qui restait de country dans le rock des Eagles. Hotel California par The Eagles.

the night, waiting for the fêter en grand. Quand on aura retrouvé l'important. Quand ce sera fini d'attendre. Tout prendra du sens. Sur 21 Radio. Sur 21 Radio, suivez-moi à la rencontre de Drika Chagash. D'origine brésilienne et sortie des Beaux-Arts en 2008, elle manie la bombe sur des murs immenses. Soyez attentifs et vous trouverez peut-être au détour d'une rue près de chez vous une œuvre de cette artiste internationale. Plongez avec moi dans ses œuvres poétiques où se mêlent Amazonie et motifs féminins. Bonjour Drika. Bonjour. D'où vous venez à l'origine? Parce que vous avez un petit accent. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Ouais, c'est un grand accent, j'imagine. Je suis brésilienne. Et ma ville, c'est Belém, c'est en Amazonie. C'est nord du Brésil. Et comment, en venant du Brésil, on arrive à Dijon à faire du street art? C'était un grand changement de ma vie. Mon mari, il est français. Du coup, on formait une famille avec un petit garçon. Et un jour, on visitait à Dijon. J'ai dit, bon, on va se poser un peu là. Ouais, j'ai bien aimé, je trouvais tranquille. Et voilà, on commence la vie à Dijon. Quel format vous faites? Les formats, il y a plusieurs, ça dépend du projet. Aujourd'hui, je travaille avec un panneau, 4 par 8 à peu près. J'aime bien peindre dans la rue aussi, des tableaux aussi, de temps en temps. Je fais beaucoup de personnages qui représentent pour la féminité, avec les mouvements de la femme. Quel type de peinture vous utilisez? Je travaille beaucoup avec la bombe et de temps en temps avec l'acrylique pour faire les fonds et je mélange les deux avec les pochoirs aussi. Quelles sont les couleurs que vous utilisez? Des couleurs, j'aime bien travailler avec les bleus, turquoise, orange. Et votre parcours artistique, comment a-t-il évolué? Du coup, ça fait presque 20 ans que je travaille avec ça. Je fais des beaux-arts aussi à Brésil. J'ai développé plusieurs expos, plusieurs murs avec des projets. Toujours, c'est des choses nouvelles à faire. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement? Quelles sont les prochaines expositions, par exemple? Vous pouvez regarder sur mon Instagram, c'est Drika Chagas. Et là, je vais mettre quelque chose pour parler des projets qui sont à venir. Merci beaucoup. Bonne journée et bon graphe à vous. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée aussi. De talent à Saint-Jean-de-l'Aune. Vous écoutez 21 Radio. Radio. Se dessine, courageux et fort, où rien ne respire, corps contre corps, ciel contre cime, la forêt se tord, l'horizon soupire, t'aimer sur les bords. Du groupe Mayanka sur 21 Radio. Découvrez Chegat Sodad, le titre latino qui fait bouger Dijon et la Côte d'Or. 21 Radio. Once upon a lonely night, I feel it, it's so dark. Of your arms, I am my friend, I feel it, it's so dark. Minha cabeça. This boy is looking at me, the smile he gives me. The boys will dance up beneath me, will talk about with me. Let's just try some loving, babe.

Tout le sport en Bourgogne avec Gaël sur 21 Radio. Bonjour à tous les auditeurs de 21 Radio, bienvenue dans Sport 21, l'émission du sport en Bourgogne. Football en Ligue 2, notre meilleur représentant bourguignon, la JOCR, se déplaçait sur le terrain de Caen, l'occasion de retrouvailles particulières, puisque désormais l'entraîneur de l'équipe cannaise n'est autre que Jean-Marc Furlan, l'ancien entraîneur de la JOCR. Un match donc particulier pour ce dernier. Mais on savait que les Auxerrois, avec leur nouvel entraîneur Christophe Pélissier, n'allaient pas faire dans le détail, et encore moins dans le sentiment. Pourtant, c'est un match plutôt terne qui s'est terminé par un match nul, un partout, ce qui permet malgré tout à la JOCR de rester troisième avec 22 points et de pouvoir maintenir leurs espoirs de monter à l'issue de cette saison. Football, le DFCO, après avoir enchaîné 4 matchs consécutifs sans marquer le moindre but, s'était imposé face à Épinal, bon dernier du championnat de national, 4-1. Une pluie de buts qui ne pouvait que remonter le moral et la confiance des joueurs de Benoît Thavenot, l'entraîneur du DFCO. Mais c'était une autre paire de manches qui les attendait pour cette 11e journée de championnat de national, puisque le DFCO et ses joueurs se déplaçaient sur le terrain de Nîmes, une équipe qui sait faire le dos rond, une équipe qui sait attendre pour planter une banderille en contre-attaque. Le piège était tendu pour les joueurs du DFCO, mais ils ne sont pas tombés dedans. Un match nul, 0-0. Certes, les Dijonais n'ont pas marqué, leur animation offensive laisse à désirer, mais surtout, ils n'ont pas pris de but. Et Benoît Thavenot, l'entraîneur du DFCO, s'en contente, puisqu'à l'issue du match, il souligne à la fois le match consistant, mais également un match que ses joueurs auraient sans doute perdu, comme il l'avait déjà perdu 3-0 face à Nancy ou 3-0 face à Niort. Pour l'entraîneur dijonnais, cette solidité défensive est une base sur laquelle il compte bien s'appuyer pour les prochains matchs du DFCO. Au classement, les Dijonais sont 11e avec 13 points et tous les regards sont désormais tournés vers leur prochain match de national où l'équipe du DFCO accueillera à domicile l'équipe de Versailles pour un match ô combien important, et on espère que cette fois-ci les joueurs de Benoît Thavenot sauront concilier solidité défensive et efficacité offensive. Toujours en football, chez les féminines, le DFCO accueillait à Dijon, dans son stade des Pousseaux, l'un des leaders de l'AD1 Arkema, le Paris Football Club. Les filles de Sébastien Joseph couraient toujours après leur première victoire en D1 Arkema, mais on ne se faisait pas beaucoup d'illusions sur ce match, et malheureusement, cela s'est confirmé. Les Dijonnaises ont été balayées 6-0 face à cette équipe du Paris Football Club. Les Dijonnaises sont toujours 11e avec un seul petit point, et on attend une réaction lors de leur prochain match de D1 Arkema où elles se déplaceront au Havre, un adversaire qui lui sera davantage accessible puisque le Havre est 7e dans le ventre mou de cette D1 Arkema. On attend beaucoup des joueuses de Sébastien Joseph lors de cette prochaine rencontre. Basket, la JDA Dijon s'était imposée en Ligue des Champions pour son entrée en lice lors de cette semaine. Une victoire 87-83 acquise avec les tripes dans les derniers instants du match. Une performance qui pouvait peut-être servir de match référence aux hommes de Nenad Markovic, l'entraîneur dijonnais. Et l'occasion était très belle lors de ce week-end puisque pour le compte de la Betclic Elite, les Dijonnais accueillaient au Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy l'équipe de l'Élan Chalon pour un derby 100% bourguignon. Et c'était l'occasion pour deux joueurs slovènes qui se connaissent bien de se rencontrer. Cette fois-ci, l'un en face de l'autre, le Dijonais Gregorova contre le Chalonnais Aleksej Nikolic. Et ce sont les Dijonais qui l'ont emporté 73-66. Et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas Gregorova l'homme du match pour l'équipe dijonnaise, mais bien David Holston, 1m67 seulement par la taille, mais tellement immense par le talent. Sur ce match, c'est 34 points, 4 passes, 2 rebonds. Aleksej Nikolic reste le meilleur Chalonnais avec ses 14 points, 3 passes et 1 rebond. Malheureusement, cela ne suffit pas. La défaillance d'Eto a été fatale. Le joueur s'est complètement éteint au cours de ce match. Réaction très attendue pour le prochain match des Chalonnais. Les Dijonnais, avec ce résultat, remontent à la 13e place. L'équipe de l'Élan Chalon, pour sa part, reste à une très belle 11e place. Handball, en Star League, le Dijon Métropole se déplaçait sur le terrain de Saint-Raphaël pour le compte de la 7e journée de la Star League. Et malheureusement, les Dijonnais qui courent tout toujours après leur première victoire, ont encore échoué. Une défaite 36-31. Les deux gardiens dijonnais, Elal et Gaspard, ont eu les gants très chauds tout au long de la partie. Malheureusement, cela n'aura pas suffi. Les dijonnais continuent de stagner à la 15e place de ce classement de cette Star League. Leur prochain match deviendra capital puisque les dijonnais accueilleront l'équipe de Créteil, bon dernier de ce championnat. Autant dire que la première victoire dijonnaise serait la bienvenue à l'issue de ce match et permettrait d'avoir un espoir fou de voir l'équipe dijonnaise se maintenir en Star League pour la saison prochaine. Toujours en handball, chez les féminines, la JDA Dijon se déplaçait sur le terrain de Saint-Amand pour le compte du championnat de Ligue Butagaz. Et c'est une victoire 28-27, une victoire au mental et au forceps pour les joueuses de Christophe Mazel. Elles étaient menées tout au long de la première mi-temps, mais elles ont trouvé les ressources nécessaires pour s'imposer d'un tout petit point. Cette belle victoire 28-27 ne masque malgré tout pas le point noir de cette soirée. La sortie sur blessure de leur gardienne Christy Lisanne Zimmermann, blessée au genou droit, une grave blessure qui va sans doute la rendre indisponible pour plusieurs mois. Le moral était donc en berne dans le vestiaire à l'issue de cette très mauvaise nouvelle. Malgré ce point noir, les Dijonnaises peuvent se féliciter d'avoir 16 points au classement général et d'obtenir une très belle 6e place dans cette Ligue Butagaz. Rugby en Pro D2, l'équipe de Nevers, notre meilleur représentant bourguignon, accueillait l'équipe d'Aurillac sur ses terres et les Neversois n'ont eu aucune pitié. Ils se sont transformés en véritables carnassiers et ils ont dévoré l'équipe d'Aurillac. Une victoire 38-6, un Sean Reynolds de folie. Le joueur sud-africain a littéralement lustré le cuir du ballon de rugby avec des transformations de qualité. Une victoire qui place l'équipe de Nevers à la 5e place du classement de Pro D2 et on attend avec impatience la 9e journée où l'équipe de Nevers se déplacera sur le terrain de l'équipe de Soyaux-Angoulême. Toujours en rugby, en Fédéral 1, dans sa poule 1, l'équipe de Nuit-Saint-Georges accueillait à domicile, dans son stade Jean Morin, l'équipe de Courbevoie pour le compte de la 6e journée. Et le CS Nuiton s'est imposé avec la manière 36-20, une victoire avec bonus qui permet à l'équipe de Nuit-Saint-Georges de consolider sa 3e place au classement général avec un superbe total de 24 points. Ainsi s'achève cette édition de Sport 21. À très bientôt sur les ondes de 21 Radio. 21 Radio.

invité chef de Bourgogne, à table avec Gaël sur 21 Radio. Bonjour à tous les auditeurs de 21 Radio. Aujourd'hui, dans notre chronique Recettes et chefs de Bourgogne, nous allons parler des œufs en meurette. Beaucoup d'entre vous connaissent cette spécialité bourguignonne qui accommode certains plats avec notamment du vin rouge. Vous allez vous régaler car aujourd'hui, le chef Claude Pignel va nous parler de sa spécialité, les œufs en meurette façon Pignel. Claude Pignel, c'est une cuisine traditionnelle, généreuse, qu'on pourrait qualifier de familiale. D'ici quelques instants, il va vous livrer quelques-uns de ses secrets. Mais tout d'abord, parlons un peu histoire. Les œufs en meurette, n'hésitons pas un tantinet à être chauvin, sont une spécialité bourguignonne. En effet, le mot meurette dérive de l'ancien français muire, qui signifie saumure. Il faut savoir que l'origine des œufs en meurette est liée à celle du bœuf bourguignon. Le bœuf bourguignon constituait fréquemment le plat principal du midi dans de nombreux foyers en Bourgogne. Très souvent, il en restait, mais malheureusement, la viande avait disparu. Alors, comment utiliser les restes, et plus particulièrement, cette délicieuse sauce? Eh bien, tout simplement, en y cassant quelques œufs que l'on fera pocher. Ainsi, l'origine des œufs en meurette. Il existe de nombreuses variantes, chacun a un peu sa spécialité pour les accommoder. Alors aujourd'hui, Claude va nous livrer ses petits secrets pour réussir de délicieux œufs en meurette, tout simplement chez vous. Quand tu veux te faire des œufs en meurette, pêche 2-3 oignons, 4-5 c'est bien. 5 beaux oignons, bien blancs, bien juteux, faut les couper en petits cubes. Ça s'appelle ciseler l'oignon. Tu ça fait quelques millimètres de côté, c'est bien amplement suffisant. Pas de tranches surtout, ça c'est le départ. Après tu prends un bon bout de lard, fumé de préférence. On le coupe en petits morceaux comme des lardons. On commence à faire rissoler les oignons avec un petit peu de beurre, moi personnellement, mais pas trop gros, juste pour commencer à faire fondre les oignons, puis ça fixe le goût du lard fumé. Vous laissez réduire ça doucement. Tu peux rajouter un peu d'échalote aussi, puis tu prends une ail. Tu la coupes en deux, dans le sens horizontal. Comme ça, après, tu peux les presser et ça reste dedans. Tu laisses cuire doucement, t'écoutes ton beurre. Tu remues. Après, un petit temps d'attente. En fait, faut écouter la cuisson, quoi. Ça grésille, ça pétille. Et quand tu sens que c'est prêt et que le gras des lardons a bien coulé, tu prends une bonne poignée de farine, tu la jettes dedans et tu mélanges avec. Des fois, il en faut deux. Ça dépend du nombre de litres de vin que tu veux mettre. Ça, c'est un départ sans sauce. Quand c'est bien rissolé, un petit peu de laurier. Vous pouvez mettre tous les épices que vous voulez, de toute façon, ça va tout s'effacer. Et ça deviendra une entité unique. On jette notre farine, on mouille avec du vin. Voilà, après ça fait pshhh. On remue. Et là, on regarde sa sauce. Il faut la remuer très très régulièrement. Avec une spatule en bois pour bien racler partout. Tch. À la première cuisson, il faudra une deuxième cuisson, puis une troisième cuisson. Plus c'est réchauffé, meilleur c'est. Plus ça se contracte, plus ça devient épais. Si vous avez un reste de bourguignon, vous pouvez vraiment le mettre dans votre sauce. Mais après, si vous l'avez filtré ou pressé au torchon, c'est parfait. Il aura le goût pour une belle finalité. Ah oui, casser les œufs, on en est à là. Alors il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui prennent un petit peu de sauce et qui cassent l'œuf dedans. Il y a ceux qui les cassent dans l'eau en remuant longuement la casserole pour que ça fasse un tourbillon. Moi je dis, faites selon votre cœur. Il va nous falloir des croûtons aillés. Parce que là, le crouton aillé, c'est vraiment ce qui fait la finalité des œufs en meurette. Faut qu'ils soient disposés autour de l'assiette. On les met pas à tremper dedans. Ou un tout petit peu qui touche. Comme dans le temps, quand ils cassaient des œufs dans leur reste de sauce de bœuf bourguignon. Ils y jetaient aussi leur pain sec dedans pour que ça absorbe tout. Ça faisait en fait une grosse patouille. Donc, vous cassez vos œufs dans l'eau ou dans le vin, comme vous avez envie. Le tout, c'est de pas casser le jaune. Pour les grands épicuriens, si vous avez un bout de foie gras, un petit bloc de foie gras mi-cuit, vous le jetez dans votre sauce. Allez, une demi-heure avant de servir, il commence à s'éparpiller, faut qu'il cuise, faut qu'il s'éclate. Travaillez dessus, si vous ratez, recommencez, c'est jamais un échec. C'était Claude Pignel sur 21 Radio. À très bientôt. De Courcelles-lès-Citeaux à Courcelles-lès-Monts. Vous écoutez 21 Radio. So mad at people.

les amis, c'est Sarah Owen, je suis artiste dijonnaise. Retrouvez mon nouveau titre au son rock Ange Atomique sur 21 Radio. Faire de moi la femme fragile, tu es loin d'être subtil. Mais mon nom plus d'importance, et tu me parles d'un manque de chance. Quand mes idées noires sont là, je retourne. Prendre ses volets, mais je

but now I truly realize some people don't wanna come from my eyes. But I saw them with my own eyes, spreading those lies. And I don't wanna live a lie. Too many sleepless nights, not mentioning the fights. Sorry to say later, I'm walking away. Held behind four walls all through night and day. Aussi longtemps que tu vivras, je serai comme ça, ainsi qu'ils m'ont fait. Aussi longtemps que je vivrai, c'est à mon secours que je pleurerai. Mon père, il marchait dans la nuit en poussant son bateau dans le sable. Ma mère, de ses yeux éblouis, le laissait s'en aller dans les vagues. Ce n'est que leur tendresse, ce n'est que leur tendresse, ce n'est que leur tendresse. Qu'à la fin je te laisse, qu'à la fin je te laisse, qu'à la fin je te laisse. Je t'en fais la promesse, je t'en fais la promesse, je t'en fais la promesse. Ce n'est que leur tendresse, ce n'est que leur tendresse, ce n'est que leur tendresse. Je t'en fais la promesse, je serai la princesse, je sais qu'il a la promesse. Je t'en fais la promesse, je t'en fais la promesse, je t'en fais la promesse. Ce n'est que leur tendresse, je sais qu'il est comme ça, je sais qu'il a la promesse. Une ressource précieuse, indispensable pour notre santé, notre économie et nos écosystèmes. Les épisodes de sécheresse, amplifiés par le dérèglement climatique, la mettent sous tension. Cette année encore, les ressources en eau disponibles sont basses. Le niveau des nappes phréatiques est bas. Nous devons donc tous faire attention à notre consommation d'eau. Collectivités, particuliers, agriculteurs, industriels, chaque geste compte. Préservons nos ressources. Rendez-vous sur préservonsl'eau.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. De Plombières-les-Dijon à Couternon. Vous écoutez 21 Radio. 21 Radio. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your